بقيت من دور بغيتك غير انتي يا غنتي في عقلي عييت من دور بغيتك غير انتي يا غير انتي في عقلي يشوفك والدي يا ما عنديش مع الامور نبغي والدي يا زبلة داير هابدي يا زهري فين غادي بيا Le corps perdu comme dans Corbière Mais je vois que toi quand je ferme mes paupières Ouais moi je t'aime et ça date pas d'hier Non ça date pas d'hier Nous deux ça fait des années J'ai déjà tourné la page Toutes les fleurs ont fané J'ai ton petit cœur en كابر غير كان قاسي ليان كدوز وانا كندور في بلاصي ما كراتش رجع اللور نمحي الباسي Je sais pas pourquoi je suis pas bien quand je repense au passé On dit qu'avec le temps la haine se tasse Mais on dit aussi qu'on peut pas réparer quand c'est cassé, cassé Et tu le sais, en ce moment ma vie je suis pas d'humeur Pour moi tu traverserais la mer Tu seras là quand je serai seul là يا زهري فين غادي بيا